Selon le journal d'internet sud-coréen Tongnews, un millier de savants coréens d'outre-mer dans le monde entier, comme aux États-Unis, au Japon et en Grande-Bretagne, ont publié le 25 courant une déclaration commune pour la démission immédiate de Bakunin. Par ailleurs, le groupe de protestation des jeunes coréens au Japon, constitué des cadres de l'Union de la jeunesse coréenne au Japon pour Dokyo et la région de Kanto, et de l'Union des étudiants coréens aux écoles japonaises, ont livré le 24 courant la lutte de protestation devant l'ambassade sud-coréenne au Japon.